C comme cadeau, K comme klaxon, R comme révolution, L comme liberté, 89 comme le chiffre, virgule pour faire plaisir à Tania, 1 parce que nous sommes la première radio communautaire francophone au monde, et je le dis à chaque début d'émission, profite bien de cette journée spéciale. Hey, joyeux anniversaire! De la part de l'errant reynaldien lui-même, Reynald Gagné.